Chapitre 18e. Au pas fatigué du vieux Dan, ils commencèrent à descendre la route en lacet qui conduisait dans la vallée. Pendant qu'ils traversaient les bois dépouillés, Charity, plongé dans une lassitude de plus en plus profonde, perdait parfois le sens exact des choses. Il lui semblait alors être assis à côté de son amant sous le berceau de feuillage que l'été avait dressé au-dessus d'eux. Mais cette illusion ne durait pas, et la jeune fille cédait à la sensation confuse d'être entraînée par un irrésistible courant auquel elle s'abandonnait, heureuse d'être emportée loin de toute pensée. Mr. Royal ne parlait pas, mais pour la première fois, sa présence silencieuse fit naître en Charité un sentiment de paix et de sécurité. Elle sentit que là où il était, il y avait de la chaleur, du repos, du silence. Pour le moment, elle n'en demandait pas plus. Elle ferma les yeux, et sa pensée se plongea dans les brumes d'une demi-inconscience. Dans le train, pendant le court trajet de Creston à Nettleton, la chaleur la ranima, et la conscience d'être sous des regards étrangers lui donna une énergie momentanée. Assise en face de Mr. Royal, elle se redressa et regarda par la fenêtre la campagne triste et dénudée. 48 heures auparavant, alors qu'elle était allée à Nettleton, beaucoup d'arbres gardaient encore leurs feuilles. Mais le vent furieux qui avait soufflé durant les deux dernières nuits les avait à peu près dépouillés, et les lignes accidentées du paysage se dessinaient maintenant si nettement qu'en décembre. Les premiers froids d'automne avaient fait disparaître l'opulent décor de riches prairies et d'arbres alanguis qu'elle avait traversés le 4 juillet, et les heures brûlantes de l'amour, encore si proches, s'étaient évanouies, comme s'était évanouie la beauté estivale du paysage. Charity avait peine à croire qu'elle était celle qui les avait vécues. Quelque chose d'irréparable et d'écrasant était survenu dans sa vie, et tout ce qui l'avait conduite vers cette catastrophe avait presque disparu de sa mémoire. Quand le train les eut déposés à Nettleton, et qu'elle traversa la place de la gare à côté de Mr. Royal, le sentiment de vivre dans l'irréel devint encore plus puissant. Son extrême épuisement physique ne laissait place dans son esprit pour aucune impression nouvelle. Elle suivit son tuteur aussi passivement qu'un enfant fatigué. Comme dans un rêve confus, elle se trouva assise avec lui dans un petit restaurant, devant une table couverte d'une nappe à carreaux rouges et blancs, sur laquelle on avait mis des plats chauds et du thé. Mr. Royal remplit l'assiette et la tasse de Charity, et toutes les fois que celle-ci levait les yeux, elle rencontrait le même regard tranquille qui l'avait rassurée et fortifiée lorsqu'elle s'était placée en face de l'avocat dans la cuisine de la vieille Mrs. Hobart. Au moment où toute chose devenait pour elle aussi vague et lointaine que les objets qui vacillent devant les yeux d'un mourant, la présence de Mr. Royal se détachait sur ce fond brumeux avec une solidité rassurante. Elle avait toujours considéré son tuteur comme un être haïssable et gênant, qu'elle pouvait duper et dominer quand elle voulait s'en donner la peine. Une seule fois, le jour de la fête du Old Home Week, quelques paroles du discours de Mr. Royal avaient effleuré son esprit troublé, et elle avait eu l'intuition d'un autre être, d'un être si différent de l'ennemi à l'esprit borné avec lequel elle croyait vivre, que même à travers le flamboiement de ses rêves amoureux, elle avait senti toute son autorité. Pendant un moment, ce qu'il disait alors, et quelque chose aussi dans sa façon de le dire, lui avait fait comprendre la supériorité qu'elle avait toujours devinée en lui. Mais bientôt cette impression fugitive avait été oubliée. Elle lui revenait maintenant, tandis qu'ils étaient assis à table, lui donnant, dans sa désolation sans mesure, le sentiment soudain d'un rapprochement mystérieux entre elle et son tuteur. Mais tout cela n'était que d'éphémères rayons de clarté, traversant l'espèce de torpeur cérébrale causée par son extrême faiblesse. Après un certain temps, elle se rendit compte que Mr. Royal prenait congé d'elle, la laissant seule devant la table du petit restaurant bien chauffé. Peu de temps après, il revint avec une voiture prise à la gare, un vieux landau au store en soie bleue brûlé par le soleil. Elle y prit place à son côté, et ils traversèrent la longueur de la grande rue pour descendre devant une maison voilée de plantes grimpantes à proximité d'une église entourée de pelouses. La voiture les attendit à la grille tandis qu'ils remontaient le sentier et traversaient l'antichambre de la maison pour gagner une pièce tapissée de livres. Un pasteur que Charity ne connaissait pas les accueillit aimablement et les pria de s'asseoir quelques minutes pendant qu'on irait chercher les témoins. Charity obéit et prit un siège, tandis que Mr. Royal, les mains derrière le dos, se promenait de long en large dans la pièce, Comme il se retournait et lui faisait face, elle remarqua que ses lèvres étaient un peu contractées. Son regard, néanmoins, restait grave et calme. Soudain, il s'arrêta devant elle et dit timidement « Vous avez été un peu décoiffée par le vent ?» Elle leva les mains et essaya de rentrer les mèches folles qui s'échappaient sous le bord de son chapeau. Un miroir dans un cadre sculpté était accroché au mur. Elle n'osa pas s'y regarder et resta assise, les mains jointes sur ses genoux, jusqu'à ce que le pasteur rentrât. Tous sortirent alors ensemble pour suivre une sorte de cloître qui bordait la pelouse entre le presbytère et l'église, et entrèrent dans une petite chapelle voûtée où se trouvait un autel surmonté d'une croix dominant une rangée de bancs. Le pasteur, qui les avait quittés sur le pas de la porte pour avertir son surplis, reparut devant l'autel et une dame, sans doute sa femme, et un homme en blouse bleue, que Charity avait aperçu balayant les feuilles mortes sur la pelouse, entrèrent et allèrent s'asseoir sur l'un des bancs. Le pasteur ouvrit un livre et fit signe à Charity et à Mr. Royal de s'approcher. Mr. Royal l'avança de quelques pas et Charity le suivit, comme elle l'avait suivi jusqu'au buggy quand ils étaient sortis de la cuisine de Mrs. Hubbard. Elle avait l'impression très nette que si elle cessait de se tenir tout près de lui et de faire ce qu'il lui dirait de faire, le monde disparaîtrait sous ses pieds. Le pasteur se mit à lire. Dans l'esprit confus de Charity se dressa le souvenir de Mr. Miles, debout, le soir précédent, dans la sinistre maison de la montagne, lisant dans le même livre des mots qui avaient le même accent terrible et définitif. « Je vous requiers et vous impose, et vous en répondrez au jour terrible du jugement, quand les secrets de tous les cœurs seront découverts, que si l'un ou l'autre de vous connaît quelque empêchement à ce que vous puissiez être légalement unis. » Charity leva les yeux et rencontra ceux de Mr. Royal. Il n'avait pas cessé de l'envelopper du même regard plein de bonté et de fermeté. « Je le veux », l'entendit-elle prononcer un instant plus tard, après que d'autres phrases eurent été dites qu'elle n'avait pu saisir. L'effort qu'elle faisait pour comprendre les gestes que lui indiquait le pasteur l'empêchait de suivre les paroles qu'elle entendait prononcer. Enfin, la dame se leva de son banc et, lui prenant la main, la lui mit dans celle de Mr. Royal. Celui-ci la retint enfermée dans sa main puissante. Il sentit qu'un anneau trop grand pour elle l'avait glissé à son doigt maigre. Elle comprit alors seulement qu'elle était mariée. Dans l'après-midi, assez tard, Charity était assise seule dans une chambre à coucher du luxueux hôtel où Arney et elle avaient vainement cherché une table le jour de la fête nationale. Jamais elle ne s'était trouvée dans une pièce aussi élégamment meublée. En effet, dans le miroir de la table de toilette, elle apercevait le grand lit, les festons des oreillers et un couvre-lit blanc qu'elle avait hésité avant d'y poser son chapeau et sa jaquette. Le souffle chaud du radiateur remplissait la chambre d'une douce atmosphère, et par une porte entr'ouverte, Charity vit briller les robinets de nickel au-dessus des cuvettes de marbre du cabinet de toilette. Le tumulte de sa pensée avait cessé. Elle restait tranquillement assise, s'abandonnant au charme de cette pièce tiède et silencieuse. Mais cette bienfaisante apathie céda tout à coup à la subite acuité de vision qui s'empare parfois des malades au sortir d'un trop lourd sommeil. Ses yeux s'étaient arrêtés sur le tableau suspendu au-dessus du lit. C'était une grande estampe entourée d'un passe-partout blanc et d'un cadre de bois d'érable verni. La gravure représentait un jeune homme dans une barque, sur un lac au bord ombragé d'arbres. Il se penchait sur l'eau et cueillait des nénuphars pour une jeune fille en robe claire assise sur des coussins et qui se tenait nonchalamment adossée à la poupe. Toute la scène semblait baignée par la splendeur alanguissante d'un après-midi d'été. Charity détourna brusquement son regard et, se levant, se mit à errer dans la pièce d'un pas inquiet. La chambre où elle se trouvait était au cinquième étage, et par la large fenêtre, ses yeux plongeaient par-dessus les toits de la ville. Au-delà s'étendaient des collines boisées, baignées des derniers feux du couchant, qui se concentraient sur un point du paysage où brillait comme un reflet d'acier. Charity regardait avidement ce reflet. Malgré le crépuscule, elle reconnut le contour des molles collines entourant ce point lumineux et la façon dont les prairies s'inclinaient sur les bords. C'était le lac de Nettleton qu'elle contemplait. Elle resta un long moment à la fenêtre, les yeux fixés sur les eaux lointaines où la clarté mourante du ciel s'éteignait peu à peu. Ce spectacle venait de lui faire comprendre pour la première fois ce qu'elle avait fait. L'anneau même qu'elle sentait à son doigt ne lui avait pas donné cette impression aiguë de l'irréparable. Pendant un instant, l'ancien instinct de la fuite le revint, mais ce fut aussi court que l'élan d'une aile brisée. Elle entendit la porte s'ouvrir derrière elle et Mr. Royal entra. Il avait été se faire raser, et ses rudes cheveux gris avaient été soigneusement brossés et lustrés. Il avait des gestes assurés et vifs, et se tenait très droit, la tête haute, comme s'il ne voulait pas passer inaperçu. « Que faites-vous comme cela dans le noir ? » s'écria-t-il, d'une voix joyeuse. Il s'approcha de la fenêtre pour baisser le store, puis il posa son doigt sur le bouton électrique et la chambre s'emplit de la vive clarté tombant d'un plafonnier en verre dépoli. Dans cette illumination soudaine, les nouveaux époux se regardèrent en face d'un air embarrassé, puis Mr. Royal dit « Nous allons descendre dîner, si vous le voulez bien. » L'idée de manger répugnait à Charity, mais n'osant pas l'avouer, elle redressa un peu sa coiffure et suivit Mr. Royal dans l'ascenseur. Une heure plus tard, sortie de la salle à manger fastueusement éclairée, elle attendait son mari dans le hall lambrissé de marbre. Mr. Royal, devant l'un des petits comptoirs aux treillis de cuivre qui se trouvaient aux angles de la salle, choisissait un cigare et achetait un journal du soir. Des hommes se reposaient là, nonchalamment étendus dans des chaises à bascule sous des lustres étincelants. Les voyageurs entraient et sortaient. On entendait sonner des timbres et des porteurs passaient courbés sous des bagages. Par-dessus l'épaule de Mr. Royal, penché sur le comptoir, une jeune fille aux cheveux bouffants faisait des signes de tête à un commis voyageur qui prenait sa clé au tableau suspendu dans le hall. Charity restait dans cette agitation, ces remous de la vie, aussi immobile et inerte que s'il eût été une des tables fixées dans les dalles de marbre du hall. Sourde et aveugle pour tout ce qui se passait autour d'elle, elle guettait Mr. Royal avec une sorte de terreur secrète, tandis qu'il choisissait tranquillement son cigare parmi les boîtes ouvertes et dépliait d'une main ferme son journal. Il se retourna et vint près d'elle. « Vous feriez bien de monter vous coucher. J'aime m'asseoir ici et fumer un peu, » dit-il. Il parlait d'un ton aussi aisé et aussi naturel que s'ils eussent été de vieux époux, depuis longtemps au courant de leurs mutuelles habitudes. Le cœur de Charity se desserra. Elle le suivit vers l'ascenseur, où il la fit entrer en disant à Groom de lui indiquer sa chambre. Charity ouvrit la porte et entra en tâtonnant dans l'obscurité. Elle avait oublié l'endroit où se trouvait le bouton de l'électricité, qu'elle n'aurait pas du reste su faire manœuvrer. La lune s'était levée, et le ciel lumineux projetait une pâle clarté dans la pièce. Elle se dévêtit, et après avoir plié et mis de côté les housses brodées qui couvraient les oreillers, elle se glissa timidement sous les draps immaculés. Jamais elle n'avait senti de draps aussi doux, ni des couvertures aussi légères et aussi chaudes. La douceur du lit pourtant ne l'apaisa pas. Blottie sous les couvertures chaudes, elle trembla d'une peur qui lui glaçait les veines. « Qu'ai-je donc fait, oh, qu'ai-je fait ? » murmura-t-elle en frissonnant. Enfonçant son visage dans les oreillers pour ne plus apercevoir le décor lunaire qu'encadrait la fenêtre, elle gisait dans les ténèbres, tendant l'oreille, secouée par la crainte à chaque bruit de pas qui s'approchait de la porte. Tout à coup, elle se dressa dans son lit, comprimant de ses deux mains son cœur qui battait à se rompre. Un faible bruit venait de l'avertir de la présence de quelqu'un dans la chambre. Elle comprit qu'elle avait dû dormir, car elle n'avait pas entendu entrer. La lune descendait derrière les toits, et dans l'obscurité, en face, contre le carré plus clair de la fenêtre, elle vit un homme assis dans la chaise à bascule. L'homme ne bougeait pas. Il était profondément enfoui dans la chaise, la tête penchée sur ses bras croisés. Charity reconnut Mr. Royal. Il n'était pas déshabillé, mais la couverture qu'elle avait repliée sur le pied du lit était étendue sur ses genoux. Tremblante et retenant son souffle, elle continua les pieds, craignant que le mouvement qu'elle avait fait en se mettant sur son séant ne lui réveillait. Il ne bougea pas, et elle comprit enfin qu'il veillait, mais qu'il voulait qu'elle le crût endormi. Tout en continuant ainsi à l'observer, elle se sentit lentement pénétrée par un soulagement ineffable, qui détendait ses nerfs et la reposait de son immense fatigue. Il savait donc, il savait. Il l'avait épousée parce qu'il savait. Et c'était pour cela qu'il veillait à côté d'elle dans l'obscurité. C'était pour lui montrer qu'elle était en sûreté avec lui. Un sentiment de reconnaissance étonnée envahit son cerveau lassé, et doucement, sans bruit, elle laissa retomber sa tête sur l'oreiller. Quand elle s'éveilla, la lumière du matin remplissait la chambre. Du premier coup d'œil, elle vit qu'elle était seule. Elle se leva et s'habilla. Comme elle achevait d'agrafer sa jupe, la porte s'ouvrit, et Mr. Royal entra. Dans la clarté matinale, il paraissait vieux et fatigué. Pourtant, son visage avait la même expression d'amitié grave qui l'avait rassuré sur la montagne. C'était comme si tous les mauvais esprits du passé avaient été chassés de son âme. Ils gagnèrent ensemble la salle à manger pour le petit déjeuner. Quand ils eurent terminé, Mr. Royal dit à Charity qu'il avait à s'occuper d'une affaire d'assurance. « Pendant ce temps-là, vous ferez bien d'aller vous acheter ce dont vous pouvez avoir besoin. » Il sourit et ajouta avec un petit rire embarrassé. « Vous savez que j'ai toujours voulu que vous soyez mieux mise que toutes les autres. » Il tira quelque chose de sa poche et le glissa dans la main de Charity. C'était 2 billets de $20. « Si ce n'est pas assez, je vous en donnerai d'autres. Je veux que vous soyez mieux habillée que toutes vos amies, » répéta-t-il. Elle rougit et essaya de balbutier des remerciements. Mais il s'était brusquement levé et s'apprêtait à quitter la salle à manger. Dans le hall, il s'arrêta pour lui dire encore que, si cela lui convenait, il partirait par le train de 3 heures pour North Dormer, puis il prit son chapeau et son pardessus et sortit. Quelques minutes après, Charity quittait l'hôtel. Elle avait guetté son mari pour voir dans quelle direction il partait. Prenant le chemin opposé, elle descendit rapidement la grand-rue jusqu'à la maison de briques au coin de Lake Avenue. Là, elle s'arrêta, regarda avec précaution à droite et à gauche, puis monta l'escalier qui conduisait à la porte du docteur Merkle. La même mulâtresse aux cheveux crépus lui ouvrit, et après avoir attendu, comme la première fois, dans le salon rouge, elle fut introduite au bureau de la doctoresse. Celle-ci la reçut sans surprise et la conduisit dans le petit salon au meuble couvert de pluche. « Je pensais bien que vous reviendriez, mais vous vous êtes un peu trop pressé. Je vous avais dit d'attendre quelques semaines, de ne pas vous tourmenter, » observa-t-elle, après avoir examiné la jeune fille d'un œil inquisiteur. Charity tira de son corsage l'argent que son mari venait de lui remettre. « Je suis venue chercher ma broche, » dit-elle rougissant. « Votre broche ?» La doctoresse ne paraissait pas se souvenir. « Ah oui, on me confie tant d'objets de ce genre que j'avais oublié. Eh bien, ma petite, attendez que j'aille la prendre dans le coffre-fort. Vous pensez bien que je ne laisse pas des choses de cette valeur traîner partout comme des vieux journaux. » Elle disparut un instant et revint avec un petit paquet entouré de papier de soie d'où elle sortit la broche. Charity, en l'apercevant, sentit une chaleur soudaine envahir son cœur glacé. « Avez-vous de la monnaie ? » demanda-t-elle, respirant à peine, en posant un des billets de $20 sur la table. « De la monnaie ? Pourquoi de la monnaie ? Je ne vois là que 2 billets de $20, » répondit froidement la doctoresse. Charity se tut, déconcertée. « Je pensais... Vous m'aviez dit que c'était $5 la consultation, » balbutia-t-elle. « Pour vous, exceptionnellement, c'est vrai. Mais croyez-vous que vous ne me devez rien pour la garde de votre broche ? Et pour l'assurance, donc ? Sans doute, vous n'y avez jamais pensé. C'est un bijou qui vaut facilement $100. Si je l'avais perdu, si on me l'avait volé, que serais-je devenu quand vous me l'auriez réclamé ? » Embarrassée et à demi convaincue par l'argument du docteur Merkle, Charity ne trouvait rien à répondre. Profitant de son avantage, la doctoresse continua. « Ce n'est pas moi qui vous ai demandé votre broche, ma petite. J'aime 1000 fois mieux que l'on me paye mes honoraires que de me laisser des bijoux en gage. » Elle s'arrêta, et Charity, prise d'une envie folle d'en finir, se leva et tendit un des billets. « Voulez-vous accepter $20 ? » demanda-t-elle d'une voix mal assurée. « Non, je ne les accepterai pas, ma chère. Mais je prendrai ce billet-là avec l'autre, et vous donnerai un reçu écrit si vous n'avez pas confiance en moi. » « Les deux ? Mais je ne peux pas vous donner les deux, c'est tout ce que je possède, » s'écria Charity. Renversée sur ce sofa de peluche, la doctoresse la regardait d'un air souriant. « Il paraît que vous vous êtes mariée hier à l'église épiscopale. J'ai entendu parler de cela par le jardinier du pasteur. Ce serait malheureux, n'est-ce pas, de laisser Mr. Royal apprendre que vous aviez un compte à régler ici. Vous voyez, mon enfant, je vous dis cela comme pourrait vous le dire votre mère. » Une colère sourde s'empara de Charity. Pendant quelques secondes, elle eut la pensée d'abandonner la broche aux mains de la doctoresse et de prendre la fuite. Mais elle n'eut pas la force de laisser son unique trésor à cette horrible femme. Elle voulait le garder pour son enfant. Elle voulait que ce souvenir de son bonheur fût comme un lien mystérieux entre l'enfant et son père inconnu. Tremblante et honteuse, elle jeta l'argent de Mr. Royal sur la table, s'empara de la broche et sortit de l'appartement en courant. Une fois dans la rue, elle s'arrêta, stupéfaite de ce qui venait de lui arriver. Elle avait caché la broche dans son corsage, comme un talisman. Il se sentit au cœur un secret allégement. Cela lui donna la force, un instant après, de se diriger vers le bureau de poste et d'y entrer par les portes battantes. À l'un des guichets, elle acheta une feuille de papier à lettres, une enveloppe et un timbre. Puis elle s'assit à une table et trempa une des plumes rouillées dans l'encre. Elle était venue là, possédée par la crainte qui la hantait sans cesse depuis qu'elle avait senti à son doigt l'anneau de Mr. Royal. La crainte que Harney pût, à la fin, se libérer et revenir à elle. C'était là une possibilité qu'elle n'avait pas une seule fois envisagée, pendant les terribles heures qui avaient suivi la réception de sa dernière lettre. Ce fut seulement après son mariage qu'une telle éventualité lui parut tout à coup concevable. Elle mit l'adresse de Harney sur l'enveloppe et sur la feuille de papier, elle écrivit « J'ai épousé Mr. Royal. Je me souviendrai toujours de vous. Charity. » Les derniers mots n'étaient pas ceux qu'elle avait voulu écrire. Ils avaient coulé de sa plume irrésistiblement. Elle n'avait pas eu la force de parfaire son sacrifice en cachant à son amant qu'elle ne l'oublierait jamais. Mais après tout, en quoi cela importait-il? Maintenant qu'elle n'avait plus aucune chance de revoir Harney, pourquoi ne pas lui dire la vérité? Quand elle eut jeté sa lettre à la poste, elle sortit dans la rue bruyante et ensoleillée et reprit le chemin de l'hôtel. Aux devantures des magasins de nouveautés, elle remarqua le tentant étalage de robes et de tissus qui l'avait ébloui le jour où elle les avait regardées avec Harney. Cette vue lui rappela que Mr. Royal l'avait prié de s'acheter tout ce dont elle avait besoin avec l'argent qu'il lui avait donné. Elle jeta un coup d'œil honteux sur sa robe usée, se demandant ce qu'elle dirait quand il la verrait revenir les mains vides. Comme elle approchait de l'hôtel, elle vit qu'il l'attendait sur le pas de la porte et son cœur se mit à battre d'appréhension. Il lui fit un signe amical de la main quand il la vit approcher. Puis ils montèrent à leur chambre et prendre leurs bagages, afin que Mr. Royal pût rendre la clé quand il descendrait déjeuner. Tandis qu'elle replaçait dans son sac le peu d'objets qu'elle avait apportés avec elle, elle sentit tout à coup que son mari la regardait et s'apprêtait à parler. Elle se redressa, sa chemise de nuit à demi pliée dans les mains, ses joues subitement rouges. « Vous êtes-vous acheté de jolies choses ?»« Je n'ai pas vu arriver de paquet jusqu'à présent, » dit-il d'un air enjoué. « Oh, j'aime mieux que Holly Rose me fasse ce dont j'ai besoin, » répondit-elle à voix basse. « Tiens, alors vous n'avez rien acheté ?» Il la contempla pendant quelques secondes et ses sourcils se froncèrent, puis son regard s'adoucit. « Eh bien, soit. J'aurais voulu vous voir arriver à North Dormer avec une belle robe. Mais après tout, vous avez raison. Vous êtes une brave fille, Charity. » Leurs yeux se rencontrèrent, et quelque chose passa dans ceux de Mr. Royal. Quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu encore. Un regard qui lui fit honte dans le même temps qu'il la rassurait. « Vous aussi, vous êtes bon, » dit-elle timidement et très vite. Il sourit sans répondre, et tous deux, ayant quitté la chambre, descendirent dans le hall par l'ascenseur lambrissé de miroir. Le soir même, assez tard, sous les rayons glacés de la lune d'automne, leur voiture s'arrêtait devant la porte de la Maison Rouge. Ainsi s'achève Plein été de Edith Wharton.